Bonsoir à tous mes petits corbeaux et bienvenue dans Clair Obscur, l'émission des musiques sombres sur Rage. On continue la soirée rock sur votre station préférée, on la continue, on la poursuit, on s'y plonge avec délice en cette sombre nuit de novembre. Avec pour commencer les Voodoo Glow Skulls, alors une entrée en matière qui est quasi inhabituelle, une entrée en matière tout en fanfare ce soir et pour cause, puisque aujourd'hui 2 novembre du côté du Mexique c'est la fête des morts. Alors j'espère que vous avez passé un bon week-end funèbre et que vous n'avez pas pris froid, un peu comme moi et Nathalie, et que vous avez pu sortir et vous amuser, voire aller vous promener dans le cimetière hier sous le petit crachin. Et donc on continue sur ce délire de fête des morts avec des traditions du bout du monde que je trouve très jolies, encore qu'elles ne soient pas célébrées, voire quasiment pas connues ici en France. Ces traditions mexicaines qui consistent donc à célébrer la mort dans ce fameux Dia de los Muertos du 2 novembre, avec en s'offrant des petits crânes en sucre, vous savez, les fameuses calaveras. Donc voilà, je trouve ça très sympathique, très mignon, et j'avais envie d'y faire un petit clin d'œil dans la playlist de ce soir. Et donc on a commencé avec ce groupe de ska punk californien, les Voodoo Glow Skulls, qui seront d'ailleurs en concert dans la région dans un peu plus d'un mois avec le morceau La Llorona. Vous savez, La Llorona, c'est ce fameux personnage du folklore mexicain, un espèce de fantôme, une pleureuse sur laquelle il ne vaut mieux pas tomber. Mais bon, vous, chers amis, vous êtes bien tombés en vous branchant sur le 90.3 ou le 102.5 ou le www.rage.fr pour continuer cette soirée, donc, qui, vous l'aurez compris, sera placée sous les auspices du Mexique, mais pas seulement. Et d'ailleurs, pour se plonger un petit peu dans l'ambiance ambiance délicieusement baroque et décadente du Mexique, du Nouveau-Mexique et de ces déserts de sable du fin fond de l'Amérique, je vous propose de continuer avec un extrait de la bande originale d'un film de Robert Rodriguez, From Dusk Till Dawn, avec le titre, un morceau des Blasters, c'est le morceau Dark Knight. Hot air hangs like a dead man from a white oak tree. People sitting on porches thinking how things used to be. Dark night. It's a dark night. Dark night. It's a dark night. Changing, strangers moving in. A new boy fell for a local girl when she made eyes with him. She was young and pretty, no stranger to other men. But windows were being locked at night, the old lines drawn again. Someone knew where they were. He held her so close. He asked about her dreams. When a bullet from a passing car made the young girl scream. I thought these things didn't happen anymore. It's a dark night. The Blasters avec le morceau Dark Knight. Rien à voir avec Batman, hein, c'est Dark Knight et pas comme je vous l'ai prononcé tout à l'heure, Dark Knight. Donc une sombre nuit un peu comme celle dans laquelle nous sommes plongés, chers amis, puisque comme en plus ce week-end on a changé d'heure, la nuit tombe de plus en plus tôt. Si ça fait un argument pour se réfugier sous la couette avec quelqu'un, après tout, c'est peut-être un mâle pour un bien, un mâle ou une femelle, c'est vous qui voyez. Et donc, soyez les bienvenus dans Clair Obscur, une émission en solo ce soir, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Nathalie et moi, nous sommes pas très malins, on a du mal à renoncer à nos fringues d'été, même les fringues gothiques. Et du coup, Nathalie en a profité pour prendre froid, et pour tomber malade. Et en ce qui me concerne, j'ai bien failli y passer aussi. J'espère que vous êtes un peu plus futé que nous autres, chers amis. Et donc, Nathalie s'est fait porter pâle ce soir. Mais comme elle aime à le dire, une fille qui se fait porter pâle pour une gothique, finalement, c'est relativement logique. Elle a peut-être raison, mais j'espère quand même qu'elle sera là la semaine prochaine avec une voix, avec moi, avec vous aussi, chers amis. Et un problème n'arrivant jamais seul. Ce soir, d'habitude, il y a la chatbox pendant l'émission, puisque notre émission est en direct. Et ce soir, je n'ai pas accès à Internet. Mais bon, que cela ne vous empêche pas de vous retrouver entre vous, si le cœur vous en dit, sur le groupe Facebook de l'émission, que vous retrouverez en tapant quelques mots-clés dans un moteur de recherche, je vais pas citer le moteur de recherche en question, mais en y tapant Facebook, Rage, Clair Obscur, en principe, vous tomberez sur le groupe de l'émission. Vous pouvez aussi, bien sûr, nous retrouver sur Tumblr, ou bien encore sur MySpace. Et on va continuer cette playlist, hein, après tout. Donc, je vous l'ai dit, un petit playlist qui fait un petit clin d'œil au Mexique, d'autant plus que cette année 2011 aurait dû être l'année du Mexique en France et que notre PP, notre petit président, en a décidé autrement en faisant un caca nerveux il y a quelques mois de cela. Et bien donc finalement ça fait une bonne raison supplémentaire de profiter un petit peu de cette culture là qui a beaucoup à nous apporter. Je parle pas des fusillades en pleine rue, des cartels et des états par exemple, mais il y a des tas d'autres choses, et je parle pas seulement des recettes de cuisine ou des petits bonbons en forme de crâne, et aussi des tas de bons groupes que je me suis fait plaisir en vous ramenant un petit peu ce soir. Mais qui dit fête des morts, alors là-bas ils s'occupent du Dia de los Muertos, ils se foutent pas mal d'Halloween ou de Shamaine, et pourtant j'avais quand même envie de rebondir sur l'émission Halloween qu'on a faite la semaine dernière, que vous avez été nombreux à télécharger d'ailleurs, merci beaucoup. Et en vous passant à un groupe que j'avais pas eu le temps de vous passer justement mercredi dernier, avec une nouveauté, le dernier album de Wednesday 13, et on va s'écouter un morceau extrait de cet album-là. L'album s'appelle Calling All Corpses, le morceau s'appelle Calling All Corpses, et si vous avez envie de l'écouter en dansant, je vous propose vous aussi d'inviter dans le salon tous vos amis cadavres. Calling out corpses. moi c'est Démonio. Et on écoute Clair-Obscur sur Rage. À l'instant, Nimvin avec le morceau Into the Sphere We Go, c'était extrait de leur album Fashion of Fear qui était sorti en 2005. Nimvin, un groupe horror punk canadien, discret, mais que j'aime bien, que je vous avais déjà ramené d'ailleurs à l'occasion d'une émission spéciale Psychobilly, donc une émission forcément qui faisait la part belle à ce genre de rock un peu brutal et qui aborde des thèmes un peu macabres. Et c'était enchaîné juste avant avec Wednesday 13, qui lui non plus ne fait pas dans ce genre de dentelle, avec le morceau Calling All Corpses, qui était un extrait de leur dernier album, sorti le mois dernier. Un album que j'ai écouté donc à plusieurs reprises, que j'ai trouvé pas mal, mais sans plus. Bon, à la décharge de cet homme-là, donc, puisque Wednesday 13 est un projet solo, dont je vous avais déjà ramené quelques morceaux d'ailleurs, toujours pour des émissions Halloween, décidément. Et donc, ça tient peut-être un peu au style musical, cette certaine impression de monotonie qu'on peut avoir à l'écoute de l'album, mais il y a quand même 3 ou 4 morceaux qui sortent du lot, dont celui qu'on vient d'écouter, Calling All Corpses, qui est un morceau tout à fait sympa avec lequel j'avais envie de continuer cette playlist, donc pour rebondir sur la spéciale Halloween qu'on avait fait la semaine dernière avec laquelle on s'était bien marré. Et donc maintenant on va aller vers des choses peut-être moins rock'n'roll et un peu plus électroniques. Alors là je vous cache pas que ce soir j'ai un petit peu de mal en faisant ma playlist parce que j'avais envie de vous ramener des groupes, mais à chaque fois j'avais sélectionné 2 morceaux et j'arrivais pas à me décider. Donc là j'ai une pièce dans la main et ce sera un morceau d'Amdoucia, hein, un morceau soit l'un soit l'autre, laissez-moi le temps de choisir. Merde! Bon, j'ai fait tomber la pièce, mais c'était Face. Donc, et Face, ça correspond à Delirio Asesino, un morceau d'Andusia. Alors, ce groupe, ce duo mexicain d'électro et de BM qui a choisi donc le nom d'un des nombreux démons du panthéon infernal. Andusia, donc, est le nom d'un démon avec lequel ils se sont nommés pour ce projet musical électro, donc, qu'on vous avait déjà ramené à quelques occasions et que vous connaissez de votre côté parce que la scène électro d'Amérique centrale, enfin, d'Amérique latine en règle générale est assez riche. Et donc avec ce morceau Delirio Asesino, j'ai trouvé que ça faisait écho un petit peu à l'actualité, puisque le nom d'un démon et puis une actualité assassine, ça, c'est un peu ce qui s'est passé ce matin du côté de Paris dans les locaux de Charlie Hebdo, un journal que j'apprécie pas forcément beaucoup, mais là pour le coup j'apprécie encore moins ceux qui les ont dynamités. Donc un morceau, vous l'aurez compris, qui à mes yeux, à mes oreilles du moins, fait résonner l'actualité de manière tout à fait particulière. Je vous propose de nous faire une idée de ce morceau particulièrement violent, d'une actualité particulièrement violente, mais on va quand même essayer de prendre ça au minimum avec le sourire. Thank you. Il existe d'étranges éons où même la mort peut mourir. Clair, obscur. Thank you. À l'instant, Tam Trum avec le titre Aboard the Pope, c'était un extrait de leur album Electronic Black Mess qui était sorti en 2006. Et juste avant, c'était Amdusia avec le morceau Delirio Assassino, donc Amdusia mais qui n'a de doux que le nom. Et le son assez radical de ces Mexicains et leur EBM avec un extrait de leur album, leur EP plutôt, Dead or Alive. Et donc un Delirio Assassino, Aboard the Pope, des morceaux qui, de manière assez ironique, quand je préparais la playlist, ont résonné de manière assez particulière à mes oreilles avec cette actualité assez violente où la religion masque sa vacuité derrière la violence aveugle, idiote et abjecte. Donc pour qu'ils arrivent à me rendre, en ce qui me concerne, je ne parle que pour moi, Charlie Hebdo sympathique, c'est que vraiment, vraiment, il fallait faire très fort et très con. Mais bon, tant qu'il touche pas au canard enchaîné, je n'ai aucune raison d'avoir envie de faire une révolution. Je sais pas ce qu'il y en est pour vous, chers amis, mais quoi qu'il en soit, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Vous êtes bien sûr Rage, la radio des enragés, bien entendu, dans Clair Obscur, l'émission des musiques sombres, bien entendu, sur le 90.3, sur le 102.5 ou bien sur le www.rage.fr. Ce soir, je ne peux pas vous accueillir sur la chatbox puisque je n'ai pas accès à internet malheureusement dans le studio, les conséquences de l'orage sans doute, mais n'hésitez pas vous à vous retrouver entre vous sur le groupe Facebook de l'émission ou à laisser des petits mots sur le Tumblr, le MySpace, vous êtes les bienvenus. Et évidemment, les podcasts sont disponibles en téléchargement dès que possible. Et les quant aux playlists, vous les retrouvez sur le forum de Rage. Voilà, c'est sûr, j'ai rien oublié. Bon, ben je continue alors. Pour ce soir, donc j'avais envie de marquer le coup en ramenant un morceau de Tam Trum, ce groupe électro d'Aix-en-Provence, un groupe sympa et qui en plus est de la région et qui s'exporte assez bien, manifestement ça marche pour eux. Et ils étaient en concert justement ce soir 2 novembre, et pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'y aller, ben je m'étais dit que c'est une manière comme une autre de se consoler en écoutant un de leurs morceaux les plus dansants. J'avais lu dans un article à propos de ce morceau en particulier que c'était une bombe à dance floor. La prose des journalistes musicaux en général me laisse assez dubitatif, mais là je trouve que pour une fois le gars avait eu une formule assez heureuse, et en tout cas je l'ai reprise à mon compte, et pas qu'un peu. Une bombe dance floor, c'est très bien trouvé pour ce morceau là et tant d'autres que vous pouvez retrouver dans nos playlists, mais pas que chez nous d'ailleurs. Allez, on va continuer avec un autre groupe qui joue à Montpellier, justement aussi au Rockstore ce soir. Il s'agit des Allemands de Kemfdm, KMFDM, Kein Mitleid für die Mehrheit, ou bien l'inverse, Kein Mehrheit für die Mehrheit. À vous de voir comment vous avez envie de traduire ça, à supposer que, à l'inverse de moi, vous soyez capable de le traduire. C'était donc ce groupe allemand qui était en concert ce soir du côté de Montpellier et qui s'agite sur la scène électro depuis une trentaine d'années. Je dis s'agite parce qu'ils sont capables de faire des trucs sympas comme des trucs assez chiants. Mais on va quand même écouter un extrait d'un album qu'ils avaient sorti en 1986, me semble-t-il. Ou 83, je sais plus, enfin bref, dans les années 80, avec un extrait d'un album qui s'appelait What Do You Know Deutschland. Pourquoi ce morceau en particulier j'ai choisi ce soir, me demanderez-vous, à moins que vous n'en ayez rien à foutre et que vous préférez que j'enquille le morceau. Mais je vais quand même vous ennuyer avec mes états d'âme avant, puisque comme vous avez pu peut-être vous en apercevoir vous aussi, si vous suivez les actualités récemment, ce qu'on reproche beaucoup à la Grèce en ce moment s'apparente peu ou prou à du racisme. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mes petits corbeaux, mais j'ai trouvé la prose enragée de certains journaleux, certains politiques, assez déplacée. C'est vraiment limite, les Grecs sont des feignasses, ce sont des Méditerranéens, à savoir que ce sont quand même eux qui ont les conditions sociales les plus dures en Europe, et entre autres choses, s'ils sont en déficit, c'est aussi parce qu'ils nous achètent des armes, à nous les Français et aussi aux Allemands. Donc c'est un peu facile, vous en conviendrez, de leur reprocher d'avoir une dette abyssale quand ils le font en nous achetant nos canons et nos autres saloperies. Donc j'ai trouvé ça, il y a eu quand même quelques journalistes honnêtes sur le service public pour rappeler cette petite ironie du sort, mais j'avais quand même envie de le souligner avec un petit bras d'honneur à nos chers amis allemands, Angela Merkel en tête, mais il y en a d'autres. What do you know Deutschland? Est-ce que tu sais seulement de quoi tu parles, Allemagne? Je sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi ça m'agace. Yeah. The firmness of American will and the effectiveness of American strength. The Marshall Plan. The Marshall Plan. The Marshall Plan. The Marshall Plan. This is no fantasy. But purpose of our common military effort is war in Europe. War in Europe. The destruction of nations. We are proud of this record. Narrow nationalism. Your nation is in the front line in America's own self-interest. In America's own self-interest. We would prefer to see Europe divided and weak, enabling the United States to deal with each fragment individually. The United States of America, object of fear. They are backed by the sanctions of thousands of the most modern weapons here on European soil. The hottest place is in hell. De retour dans Clair Obscur sur Rage, où on vient d'écouter un morceau de KMFDM avec le titre What Do You Know Deutschland, un extrait de leur d'un album qu'ils avaient sorti dans les années 80. Donc c'était pour faire un petit clin d'œil au concert qui avait lieu justement ce soir avec Tam Trum notamment au Rockstore. Et on va continuer vers des choses alors un petit peu plus, on revient un petit peu vers l'électricité après l'électronique, et on va aller vers des choses un petit peu différentes, et on va revenir un petit peu vers la thématique mexicaine que je vous proposais en début d'émission avec un morceau d'un groupe qui lui par contre n'est pas du tout mexicain. Il s'agit de Siouxsie and the Banshees, qui avait fait pas mal de face B qui ont été compilés sur un album qui s'appelait Downside Up. Donc c'était un coffret 4 CD sur lequel on pouvait retrouver pas mal de leurs face B qu'ils avaient disséminé un peu partout dans leur discographie au cours des 20-30 dernières années. Et donc moi ça m'a permis, cet album, ce coffret, de retrouver un titre qui était assez inattendu pour la bande Siouxsie et ses camarades, puisqu'il s'agit d'un titre qui s'appelle El Día de los Muertos, un titre qui fait donc gentiment référence à l'univers coloré des squelettes mexicains. Je vous laisse en faire une idée par vous-même tout de suite.

Voilà, on arrive tout doucement vers la fin de l'émission. Chers amis, désolé pour les petits problèmes techniques qui ont émaillé cette heure passée ensemble. À l'instant, c'était un extrait du dernier album de Soror Dolorosa qui était sorti au printemps et dont j'avais pas eu le temps de vous parler au moment où il est fait, donc où il est sorti, donc mieux vaut tard que jamais. C'était l'album Blind Scenes et le titre, c'était Autumn Wounds, un morceau de saison, vous me direz. Et Soror Dolorosa, donc un groupe de Toulouse, un groupe New Wave français assez intéressant avec cet album vraiment agréable. Nathalie, vous avez déjà ramené des extraits de leur EP précédent qui s'appelait Severance, et donc là on extrait de leur premier album qui est sorti il y a quelques mois et que je vous recommande chaudement. Et c'était enchaîné juste avant avec Siouxsie and the Banshees, là des dieux de la New Wave, avec le morceau Dia de los Muertos qui était sorti sur une phase B dans les années 80 ou 90 et donc qui correspondait un petit peu à cette couleur chaude du Mexique que j'avais envie de, avec laquelle j'avais envie de colorer la playlist de ce soir puisqu'on est le 2 novembre et que là-bas c'est le Dia de los Muertos. Allez, très rapidement avant de nous quitter, chers amis, quelques concerts pour ce week-end, des choses à faire si vous avez envie de sortir. Vous aurez notamment vraiment dans le coin, vous aurez à la gare de Coustelet, près entre Cavaillon et Avignon, vous aurez le vendredi 4 novembre le groupe Ace Burst, un groupe de metal old school assez sympa qui fait des trucs qui sonnent un petit peu comme Led Zeppelin dans les années 70 ou Iron Maiden dans les années 80, donc rien de révolutionnaire, vous l'aurez compris, mais c'est toujours agréable. Et ce sera donc à la gare de Coustelet ce vendredi 4 novembre, le même soir mais à Avignon. Vous aurez une initiative assez rigolote, encore qu'il faut accrocher à ce genre de délire, c'est un karaoké rock qui est la transposition chez nous à Avignon d'une idée qui avait été faite par les membres d'Ultra Vomit du côté de Nantes, donc chez eux, et ce se passera au bar Le Clash. Si vous avez envie de pousser la chansonnette sur des titres rock et donc des musiques que vous aimez forcément puisque vous êtes un auditeur de cette émission, et bien ce sera l'occasion ou jamais de vous faire plaisir et de rigoler un bon coup au pub Le Clash vendredi 4 novembre. Sinon là je m'avance un petit peu pour la semaine prochaine, mais je préfère vous le dire bien avant, vendredi 11 novembre au Poste à Galène à Marseille, vous aurez un concert vraiment très très intéressant. Vous aurez le groupe israélien Orphaned Land et le groupe tunisien Mirat, notamment deux groupes de métal novateurs, intéressants, originaux, qui se produiront donc au Poste à Galène à Marseille vendredi 11 novembre. Et je vous en parle avant parce que j'aurai l'occasion de vous parler plus longuement de ces groupes là dans la mission de mercredi prochain, puisque je ferai une petite rétrospective sur la scène métal du Maghreb et du Moyen-Orient. Enfin, je conclue avec le concert de Patti Smith à Arles. Ça fait 2 mois qu'il est complet, le 15 novembre, donc ben désolé. Voilà, chers amis, on va se quitter. Alors, on a commencé la playlist avec un morceau qui s'appelait La Llorona, et on va continuer et conclure avec un morceau qui s'appelle aussi La Llorona par le groupe Beirut, un groupe britannique, me semble-t-il, mais qui sur cet album, March of the Zapotec, s'est accompagné d'une banda, c'est-à-dire d'un ensemble de cuivres mexicains. Je vous propose de nous quitter avec ça. Moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine en présence de Nathalie. Portez-vous bien, mes petits corbeaux. Bisous. Oh. Susanna qui nous écoute du côté de Bucerias. Salut.